Chapitre 7. C'était la première fois qu'Adeline avait quelque chose à demander pour lui-même. Comme tous les députés, il avait passé bien des heures de sa vie dans les antichambres des ministres et usé de nombreuses paires de bottines sur le carreau poussiéreux des corridors, des bureaux, à la guerre, aux finances, à la justice, à la marine, au commerce, à l'agriculture, aux travaux publics, à l'instruction publique, aux affaires étrangères, aux postes, à l'intérieur, à la préfecture de la Seine, à la préfecture de police, aux ambassades, aux consulats, partout où il y a à solliciter et à faire sortir des cartons les paperasses qui s'obstinent à y rester. Mais toujours, ça avait été dans l'intérêt des villes ou des communes de sa circonscription pour les affaires de ses électeurs, jamais dans le sien et pour les siennes. Le gouvernement ne pouvait rien pour lui. Il n'avait pas de parents à placer, pas de combinaison financière à appuyer, pas de concessions à obtenir. Quand on l'avait décoré, on était venu à lui et il n'avait eu qu'à accepter ce qu'on lui offrait. Maintenant, il ne s'agissait plus de rester tranquillement chez soi en attendant. Il fallait demander. De là son embarras. À la vérité, s'il se faisait demandeur, c'était dans un intérêt général, supérieur à toute considération personnelle. Mais enfin, il n'en devait pas moins résulter pour lui certains avantages qui gênaient sa liberté. Il se fût senti plus allègre, il eût porté la tête plus haut s'il avait été dégagé de toute attache. Il s'y prit à trois fois avant d'aborder le préfet de police, comme s'il n'osait point sauter le pas. Au premier mot, le préfet de police, qui depuis qu'il était en fonction avait cependant appris à écouter en se faisant une tête de circonstance, laissa échapper un mouvement de surprise. « Vous, mon cher député ?» Ce n'était pas sans que la leçon lui ait été faite à l'avance par Frédéric qu'Adeline s'adressait à son cher préfet. Il savait que sa demande pouvait provoquer une certaine surprise, et même il en attendait la manifestation. Vous comprenez que le préfet ne sera pas sans éprouver un certain étonnement en vous entendant lui demander une autorisation pour ouvrir un cercle, vous qui avez toujours vécu en dehors des cercles. Et puis à son étonnement se mêlera probablement une certaine contrariété. Le nombre de ces autorisations n'est pas illimité. Il en est d'elles comme des 5 ou 6 louis qu'un homme ruiné a encore dans sa poche. Quand il en dépense un, il compte ceux qui lui restent et fait le calcul qui sera bientôt à sec, et personne ne mettra sec. D'autant mieux que ces autorisations peuvent être une monnaie commode pour payer certains services. Je ne dis pas que votre préfet se serve de cette monnaie, mais il a eu des prédécesseurs qui l'ont employée. Et Frédéric avait raconté l'histoire d'un préfet aimable et vert galant qui avait payé les dépenses d'une liaison demi-mondaine avec une de ses autorisations. Que celle à qui il l'avait donnée l'avait tout de suite vendue 120 000 francs en plus d'un 10% sur les produits de la cagnotte. Puis à cette histoire, il en avait ajouté d'autres afin qu'Adeline eût un dossier bien préparé et ne restât pas à court. Si on avait accordé ces autorisations à des gens plus ou moins véreux, comment en refuser une à un honnête homme entouré de l'estime publique dont le nom seul était une garantie? Ce dossier et ces histoires avaient donné à Adeline une assurance que sans eux, il n'eût certes pas eu. Et pourquoi pas, mon cher préfet? C'était un homme fin que ce préfet. Et peut-être même trop fin, car bien souvent dans son besoin de tout comprendre et de tout deviner, il allait au-delà de ce qu'on lui disait, jugeant les autres d'après lui-même. Devant l'assurance d'Adeline, il se retourna vivement. « Au fait, dit-il, pourquoi pas? Vous avez raison de vous étonner de ma surprise, qui n'a pas d'autre cause, croyez-le bien, que l'idée où j'étais que vous viviez en dehors des cercles, en bon père de famille. C'est à Elbeuf que je suis père de famille. À Paris, je n'ai pas ma famille. Je suis seul. Les soirées sont longues. Elles ne le sont pas seulement pour moi. Elles le sont aussi pour un grand nombre de mes collègues qui, comme moi, seraient heureux d'avoir un centre de réunion où nous aurions plaisir et intérêt même à nous retrouver dans l'intimité sans avoir à craindre une promiscuité gênante. Et c'est un cercle s'administrant lui-même que vous voulez fonder? Oh non! Nous avons à côté de nous, derrière nous, une société représentée par un gérant qui aura la responsabilité de la question financière. Sans quoi, vous comprenez bien que je n'aurais pas accepté les fonctions de président. » Cette fois, le préfet ne laissa échapper aucune exclamation de surprise, mais il regarda Adeline en homme qui se demande si l'on se moque de lui. Adeline n'était-il pas le bon provincial qu'il avait cru jusqu'à ce jour? Était-il au contraire un roublard qui s'enveloppait de bonhomie? Ou bien encore, était-il plus profondément provincial qu'on ne pouvait décemment l'imaginer pour un collègue? Il fallait voir. Et quel est ce gérant? un ancien notaire de province. Il se nomme Morin. C'était là un nom qui n'apprenait rien au préfet. Il y a tant de gens qui s'appellent Morin ou Morin. J'ai eu les meilleurs renseignements sur lui, dit Adeline, allant au-devant d'une nouvelle question. Je n'en doute pas, sans quoi vous ne l'auriez pas accepté, car ce n'est pas à un homme comme vous qu'il est utile de faire remarquer qu'un gérant, un mauvais gérant, peut entraîner loin, et même très loin, le président et les administrateurs d'un cercle. Vous savez cela comme moi. Cela ne fut pas dit sur le ton d'une leçon, ni comme un avertissement direct. Mais cependant, il y avait dans l'accent une gravité qui devait donner à réfléchir. « Nous n'aurons rien à craindre de ce côté, » dit Adeline, en pensant à son ami le vicomte, qui serait le véritable gérant sous le nom de Morin, beaucoup plus qu'à l'ancien notaire qu'il connaissait à peine. Évidemment, s'il avait pu nommer le vicomte de Mussidan, le préfet aurait gardé son observation pour lui, ou plutôt elle ne lui serait pas venue à l'esprit. Mais c'eût été une indiscrétion. Le vicomte avait des raisons respectables pour vouloir rester dans la coulisse, et il convenait de l'y laisser. « Et quels sont avec vous les membres fondateurs ?» demanda le préfet. « Voici les noms de ceux qui ont signé la demande avec moi, » répondit Adeline en tirant une feuille de papier de sa poche. Le préfet lut les noms. « Duc d'Arcala, comte de Chélu, Bunou-Bunou, général Castagnède. » À ce nom, il fit une pause, car ce général était celui-là même qu'on appelait le général Epaminondas dans le Midi, et il le connaissait. Il en fit une aussi au nom de l'ancien ambassadeur, dont l'existence besogneuse ne lui était pas inconnue. Mais pour les autres, Bagari, le compositeur de musique, Fastou, le statuaire, il lut couramment, de même pour les notables commerçants dont Adeline avait obtenu lui-même les signatures. À l'exception du général Epaminondas et de l'ancien ambassadeur, il n'y avait rien à dire sur ces noms. Encore ce qu'on aurait pu opposer à ceux qui n'étaient pas nets manquait-il de précision. On accusait le général de tricher, mais il n'avait jamais été chassé d'aucun cercle. L'ancien ambassadeur vivait dans les tripots, cela était certain, mais en vivait-il réellement comme on le racontait? Barthelas et les directeurs de casino qui l'avaient employé s'étaient bien gardés de publier leurs mémoires avec pièces justificatives à l'appui. Combien d'autres aussi haut placés que lui étaient comme lui des déclassés? Vous voyez, dit Adeline qui était fière de sa liste, que je ne vous présente que des noms en qui on doit avoir pleine confiance. « Évidemment. Et je crois que plus d'une fois, on a accordé des autorisations à des gens qui ne présentaient pas les garanties que nous offrons. Malheureusement, mais c'est qu'alors nous avons été trompés. Nous ne sommes pas infaillibles. Il est arrivé, j'en conviens, qu'on nous a présenté des listes de noms aussi honorables que ceux de la vôtre, avec un gérant offrant toutes les garanties de moralité, de solvabilité, et que cependant, le cercle que nous avons autorisé s'est changé au bout de quelques mois en un tripot et un coupe-gorge avec bourrage de la cagnotte et étouffage des jetons. Mais est-ce notre faute? N'est-ce pas plutôt celle des fondateurs qui se sont laissés tromper et par qui nous avons été trompés nous-mêmes? Voilà ce qu'il faut examiner et le point sur lequel j'appelle toute votre attention, en insistant, si vous le permettez, sur l'estime que vous m'inspirez. Si Adeline était un naïf et un ignorant qui se laissait duper par des coquins assez adroits pour se cacher, il y avait dans cette tirade de quoi lui ouvrir les yeux et lui donner à réfléchir. Mais ce n'était pas seulement son ami, le vicomte, qu'Adeline avait foi. C'était aussi en lui-même, en son honnêteté, en sa clairvoyance. Il ne serait pas un président qui laisserait aller les choses au hasard. Il lui donnerait son temps à son cercle. Il le surveillerait. Il le gouvernerait d'une main ferme. « Si ces cercles sont devenus des tripots, dit-il, c'est que leurs administrateurs ne les ont point administrés. C'est que leurs présidents ne les ont point présidés. Pour moi, je puis vous donner ma parole que je serai un président sérieux et que le tableau que vous venez de m'esquisser ne se réalisera point pour nous. » Était-il réellement sourd ou bien ne voulait-il pas entendre? Le préfet voulut faire une dernière tentative. Affectueusement, il lui prit le bras et le passant sous le sien. « Voyons, mon cher député, franchement, est-ce que vous croyez que la fondation d'un nouveau cercle est bien urgente et que vous et vos amis, vous ne trouveriez pas dans un de ces cercles déjà existants le centre de réunion intime que vous voulez? N'y a-t-il pas déjà assez de cercles? Non, mon cher préfet, et puisque l'occasion s'en présente, laissez-moi vous dire que le gouvernement ne favorise pas assez le développement de la vie mondaine à Paris. Quand le luxe va à Paris, la fabrication va en province. » Et presque dans les mêmes termes que Frédéric, Adeline répéta ce thème qui lui avait été soufflé, sans avoir conscience qu'il était un écho. « Évidemment, c'est un point de vue, » dit le préfet quand Adeline fut arrivée au bout de son morceau. Et il en resta là. À quoi bon aller plus loin? Il avait dit ce qu'il avait pu pour éclairer cet aveugle, inconscient ou conscient. Il n'était ni prudent ni politique d'insister davantage. Qui pouvait savoir ce qu'il adviendrait de ce collègue? Pour être préfet de police, on n'est pas professeur de morale. Et il n'était pas du tout dans son caractère de mettre les points sur les i. « Je ferai faire l'enquête d'usage, » dit-il en terminant l'entretien. Elle fut confiée à un agent de la brigade des Jeux qui, après avoir visité le local de l'avenue de l'Opéra et constaté qu'il n'avait pas deux escaliers, ce qui est le grand point dans ce genre de recherche, se rendit chez les 20 membres fondateurs qui avaient signé la demande, se bornant à une seule question, celle de savoir si la signature mise au bas de cette demande était bien la leur. Puis il fit son rapport qu'il transmit à son chef, lequel à son tour en fit un second, corroborant le premier, qu'il transmit au chef de la police municipale, qui en fit un troisième, corroborant le second. Tout était en règle, le préfet n'avait qu'à donner ou à refuser l'autorisation. Pouvait-il la refuser quand elle était demandée par un homme dans la position d'Adeline? Il la donna. Après tout, on verra bien. Il en avait assez dit pour se garder. Si Adeline sombrait, il l'avait averti. Si au lieu de faire naufrage, il arrivait un jour au ministère, ce service rendu lui donnerait droit à son beau souvenir.